invitation. Alors, il y a un problème qui se pose en sciences politiques, qui se pose un petit peu moins en journalisme, quoique, c'est que quand on étudie le concept de populisme, on est en fait en permanence, soit normalement dans un champ scientifique, mais on travaille sur un mot qui a une vie autonome dans le domaine public, dans le domaine médiatique. On vous souhaite. Et même si on est censé, à l'université, faire preuve d'indépendance et d'objectivité, et qu'on est censé être protégé contre le flux médiatique, contre les passions, contre même contre des opinions politiques, on est souvent tendance à se considérer comme avant tout des étudiants, des chercheurs, des professeurs, et on a un regard neutre et objectif vis-à-vis d'un objet. Mais c'est très dur dans le cas du populisme d'avoir cette attitude, parce que le mot a une vie politique très puissante, et à chaque fois qu'on essaye de mettre du contenu solide derrière le concept, en sciences politiques, mais pas uniquement, le mot nous revient à la figure par le champ médiatique ou, par le champ, ou dans le champ politique. Et donc il faut en permanence, tous les matins, se dire prudence, je vais rester dans mon travail soi-disant objectif, je ne crois pas à l'objectivité absolue, mais enfin, en tout cas je crois que j'essaie d'être un peu objectif. Et on est en permanence attaqué par cette autonomie d'une vie médiatique, politique et publique du concept de populisme. Alors c'est d'autant plus difficile de se protéger de cette pression que, comme Henri l'a dit, le mot a une fonction disqualificatoire, hein, c'est une injure dans le champ politique. Et donc on est aussi instrumentalisé, c'est-à-dire que il n'est pas rare que le champ médiatique ou le champ politique mobilise le chercheur en sciences politiques pour que ce dernier vienne distribuer les bonnes et les mauvaises cartes et dise ça c'est du populisme. Mais une fois que le chercheur l'a fait, la suite c'est ouh, c'est pas bien, et s'il ne le fait pas, parfois on lui reproche. Moi, ça fait un petit temps que le Parti Socialiste Québécois me pousse à dire que Raoul Hédebaud est un populiste, que le PTB, c'est du populisme. Et parce que ils ont bien compris que le mot était, que c'était une étiquette négative, que le concept était péjoratif, et que par une stratégie parmi d'autres pour lutter contre l'irrésistible ascension du PTB, bah, c'était de rapidement l'enfermer derrière l'étiquette populiste. C'est déjà ça fait. Il y a d'autres combats, évidemment, mais ce serait déjà cela de fait. Et donc, c'est compliqué dans le champ de la science politique de donner un contenu solide au populisme, parce qu'on est toujours en permanence sous pression médiatique et politique. Et avant, on faisait des conférences sur le populisme extrême droite, et maintenant, il y a des demandes sur le populisme et l'extrême gauche. Le concept a une force politique en tant qu'injure indiscutable, un petit peu comme le concept d'extrême droite. Et si vous observez la vie politique française maintenant, vous verrez que le champ scientifique français, en sciences humaines, sciences politiques, sociologie politique, est un peu pris en otage par le champ politique. Si la littérature sur l'extrême droite dit demain que le Front National n'est plus l'extrême droite, ça ouvre la voie à la droite ou une collaboration avec l'extrême droite. Mais tant que le champ scientifique maintient qu'il y a une frontière, la droite française est prudente quant à la collaboration avec le Front National. Donc, un travail dans nos murs a un impact sur le champ politique, et le champ politique essaye d'instrumentaliser le champ scientifique pour essayer de faire sauter le verrou. Après tout, Marine Le Pen, on raconte qu'elle est laïque, on raconte qu'elle n'est pas comme son père, on raconte toutes sortes de choses, peut-être qu'elle n'est plus d'extrême droite. Et ça arrangerait beaucoup de monde, hein, qu'on ne dise plus que le Front National est d'extrême droite. Donc, c'est une précision importante, parce que, en tant que futur journaliste, vous êtes également concerné par ce problème, puisque vous allez être amené à analyser un phénomène, vous allez tenter d'utiliser le mot, et puis vous allez vous dire, oui, mais le mot est une injure, Et est-ce qu'en utilisant ce mot-là, je ne suis pas trop agressif vis-à-vis d'un mouvement politique, parce que je ne suis pas instrumentalisé par un parti ou un acteur politique qui vous enverra un petit mail en disant « Je suis très surpris par votre billet d'avant-hier où vous laissiez entendre que le PTP est un parti démocratique, il s'apparente au populisme comme les nombreux populismes de droite, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche. » Et donc là, vous allez sous pression et vous verrez que c'est à la fois agréable et très agréable d'être sous ce type de pression. Cela dit, on ne va pas se plaindre. C'est beaucoup plus gai de travailler sur le populisme et être sollicité que de travailler sur les algues. Et on ne vous pose jamais de questions. J'ai un cousin qui, par ailleurs, est brillant, qui publie beaucoup plus que moi dans des revues scientifiques internationales, etc. Mais il travaille sur les algues. Il ne s'est jamais exprimé dans les médias. Donc je ne vais pas me plaindre, évidemment. Je suis content d'avoir fait ma thèse sur... J'ai fait ma thèse sur les théories du complot dans le discours d'extrême droite en Europe et aux États-Unis. Ce qui, évidemment, m'a amené à travailler sur le populisme. Alors, si on met de côté le fait que le concept est un concept normatif, hein, il a induit une norme, le concept nous dit un peu ce qu'il faut penser. Henri disait tout à l'heure, si vous accusez votre adversaire d'être un populiste, vous sous-entendez que vous êtes vertueux, parce que vous êtes démocrate et vertueux, et votre adversaire est un vulgaire démagogue simpliste. Et si vous visez juste au bon moment à table avec des amis, vous pouvez blesser votre adversaire. Parce que c'est pas gai du tout quand vous mangez avec des amis, on discute, et à un moment donné, vous voulez un peu défendre Donald Trump, il y a matière, il y a moyen de défendre Donald Trump, ne cédons pas à la diabolisation dont il fait l'objet. Hein, il le mérite peut-être, mais il fait l'objet d'une diabolisation. Vous voulez défendre Trump, et puis pas de bol devant vous quand quelqu'un dit « mais ça c'est du populisme ». Vous pouvez scotcher au mur, là, ça, si vous n'avez pas du répondant, donc c'est pas gay. Et ça crée des... Donc essayons d'échapper à tout cela. Et posons-nous la question, mais finalement, que signifie ce concept? Et là, alors, vous verrez que j'ai une vision différente de celle d'Henri. Alors, c'est pas grave, parce que le propre de la science, c'est d'être une rectification continue et permanente des erreurs, a fortiori si on n'a pas la même approche disciplinaire. Henri vient avec l'histoire et cherche à mettre derrière ce mot certains contenus, de sorte à ce qu'on puisse déceler des invariants, des lois qui se maintiennent à travers le temps, hein, années 50, années 30, fin du 19e siècle aux États-Unis. Et moi, je vais venir avec d'autres contenus, mais ce n'est pas spécialement contradictoire. En science, ce n'est pas un problème si les gens ne pensent pas la même chose. Ce qui ne va pas, c'est s'ils ne sont d'accord sur rien. Vous verrez qu'on se rapproche très fort, sauf que l'historien n'a pas la même approche que le philosophe ou le politologue. Alors, ici, je vais essayer de vous donner un contenu scientifique pertinent à mettre derrière le concept de populisme. Et mon objectif, c'est, sur cette base, de pouvoir utiliser le mot dans un certain nombre de situations sans être bloqué. Vous savez que si votre concept est trop ciblé, il ne marche que dans un pays ou dans une ville. Par exemple, si vous dites que l'extrême droite, c'est avant tout une nostalgie de la monarchie en France, la lutte contre l'avortement, le racisme, etc., eh bien, votre concept il ne marchera qu'en France. Si vous voulez le faire fonctionner en Norvège ou aux États-Unis, ça n'ira pas parce que la particularité de l'histoire française a fait émerger une extrême droite particulière. Si votre concept est trop serré, il va être utile sur un terrain précis, mais pas ailleurs, ce qui est un peu dommage. L'idée d'un concept efficace, c'est que vous puissiez, parce qu'il est efficace, le prendre dans un pays, aller en Suisse, aller aux États-Unis, aller en Russie, faire des tests et qu'il résiste à la diversité. À l'inverse, si un concept est trop flou, il fonctionne partout et il n'a plus aucun intérêt. Si vous mettez derrière le contenu populisme quelque chose qui marche pour tout et n'importe quoi, vous n'avancez pas. On vous dira, ton concept il est creux puisqu'il est valable, il s'applique à tous les phénomènes politiques. Et un concept qui s'applique à tous les phénomènes politiques, c'est comme l'air. Enfin, oui, on respire tous, merci. Donc c'est trop vaste, ça n'a pas d'intérêt. Je vais donc essayer, mais je ne vous promets pas de venir avec le truc qui marche, ce serait prétentieux, mais disons que j'ai essayé de mettre un contenu efficace derrière le mot, uniquement sur base de la littérature, de ces 30 à 40 dernières années, en français et en anglais, sur le concept de populisme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, Le populisme n'est pas une idéologie. Ça, je me trompe peut-être, mais aujourd'hui, je fais comme si j'étais sûr d'avoir raison. Pourquoi? Parce que une idéologie, c'est un discours complet, plein, pertinent, efficace, cohérent sur le monde. Une bonne idéologie est la réponse à tout. Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que j'ai pas d'emploi? Pourquoi est-ce que mes enfants sont heureux ou malheureux? Pourquoi est-ce qu'il y a le survol des avions sur Bruxelles, etc. Une idéologie doit pouvoir répondre à tout. Et plus elle pourra répondre à tout, le plus elle est efficace, parce que elle rassure le militant. Il a envie de savoir pourquoi il y a des problèmes de santé, pourquoi il y a de la pauvreté, pourquoi on est en guerre avec l'Irak ou avec la Syrie. Vous me direz, mais on n'était pas en guerre en Irak en 2003. Si, on a prêté le port de Anvers à l'armée américaine, on est complice. Pourquoi? Et il faut des réponses à tout. Une mauvaise idéologie, elle va dire, moi je peux vous dire pourquoi les inégalités, mais je ne peux rien vous dire sur d'autres problèmes de société, notamment le réchauffement climatique. Une bonne idéologie, discours complet, cohérent sur le monde. Le populisme n'est pas une idéologie. Le populisme n'apporte qu'une réponse très partielle à nos problèmes. Il est en fait une opposition entre le peuple et l'élite, on en a un petit peu parlé avec Henri, et cette opposition peuple-élite, elle se greffe sur des idéologies. Ce n'est pas une idéologie, vous ne pourrez pas expliquer le réchauffement climatique en disant, peuple-élite, évidemment. Vous ne pourrez pas expliquer pourquoi on a des graves problèmes de santé, pourquoi il y a des discriminations, pourquoi l'Union européenne va mal, pourquoi le Brexit a eu lieu, pourquoi nous sommes en guerre avec un certain nombre de pays, ou pourquoi au contraire nous ne sommes pas en guerre mais qu'on soutient des alliés qui ont des armées plus puissantes que la nôtre. Vous ne pourrez pas expliquer tout ça avec peuple-élite, ça ne suffit pas. Le clivage, l'opposition peuple-élite se greffe sur des idéologies et je pense qu'elle se greffe sur toutes les idéologies, et notamment d'extrême droite, d'où Léon Degrelle et surtout Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, mais pas uniquement. Je pense à Hugo Chavez au Venezuela, je pense à Mélenchon, pourquoi pas le PTB de Raoul et de Beau, on verra tout à l'heure. Mais cette opposition peuple-élite va se greffer sur des idéologies, et on verra que le peuple et l'élite changent de contenu. Si vous mettez peuple-élite sur l'extrême gauche ou peuple-élite sur l'extrême droite, vous n'avez pas le même peuple. Par exemple, dans les ailes de peuple, à l'extrême gauche, à votre avis, ce sera quoi? Et à l'extrême droite, le peuple, ce sera bourgeois. Allez, le peuple à l'extrême droite. Ou peuple blanc, ou peuple ethnique. Donc, l'utilité de cette matrice, c'est qu'on repère le discours populiste en considérant qu'il y a rhétorique dès qu'il y a peuple élite, mais on sait que les contenus derrière le peuple et derrière l'élite vont varier très fort d'une idéologie à l'autre, et ça va être l'intérêt de cette analyse, c'est de se dire quand Donald Trump oppose le peuple à l'élite, dans quelle mesure est-il proche de Ross Perot, qui oppose le peuple à l'élite au début des années 90, Bill Clinton est en campagne avec Herbert Bush, le père de Walker Bush, et il y a un troisième homme qui surgit, Ross Perot, qui a fait fortune, comme Trump, pas dans l'immobilier, dans l'informatique. Et Ross Perot, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les politiques de Washington sont pourries, sont une élite corrompue, une élite de paresseux. Moi, je viens du peuple, je me suis fait tout seul. Donc je suis du peuple, parce qu'on disait tantôt, comment est-ce qu'on peut être riche et se dire du peuple? Berlusconi a la réponse, je suis peut-être un des hommes les plus riches du monde, mais j'ai commencé en vendant des aspirateurs. Donc je suis comme tout le monde, je commence tout en bas. Je ne suis pas un fils d'eux, ce n'est pas la classe politique qui m'a coopté, je suis tout seul, donc je reste avec la légitimité, je peux dire que j'appartiens au peuple. Et donc le peuple élite va aller sur Ross Perot, populisme fiscal, Donald Trump, populisme fiscal aussi, il y a toutes ces sorties sur les Mexicains, etc. Mais ce qui caractérise le plus Donald Trump, c'est le populisme fiscal. Il ne faut pas taxer le travail, car il n'y a que lui qui est bon et légitime. Et les politiques ne travaillent pas. Ils profitent du travail des gens pour s'empiffrer dans des cocktails, dans des salons feutrés à Washington. Populisme de Trump, populisme de Perot, populisme fiscal, populisme de Jesse Jackson aux États-Unis. Vous me direz, mais enfin, Jesse Jackson, le gospel populiste, Le révérend, c'est un progressiste, un type sympathique, il a aidé les pauvres, il voulait défendre les homosexuels, bien entendu. Mais je vous ai jamais dit que les populistes étaient tous des crapules. Ça, c'est horrible, ça. Oui, c'est pas ça. Les avant-gardes, là. Hein. Non, c'est une autre lecture. Hein. C'est une autre lecture, évidemment. C'est des outils, c'est à vous de choisir ce qui vous sert. Jesse Jackson, il oppose la Rainbow Coalition, constituée d'un peuple sur lequel je vais revenir, à une élite. Mais le peuple et l'élite de Jesse Jackson n'est pas le même que chez Mélenchon ou que chez Donald Trump. Chez Jesse Jackson, la Rainbow Coalition, c'est les Afro-Américains, les pauvres, les femmes victimes de discrimination, les homosexuels et un certain nombre de minorités victimes de l'élite. Et l'élite, c'est quoi? C'est le complexe militaro-industriel, les grandes multinationales et Reagan, qui est censé être le bras armé politique du complexe militaro-industriel qui, par ailleurs, produit des guerres. La guerre froide n'est pas encore terminée à l'époque de Jesse Jackson, qui postule comme candidat à la primaire démocrate. Donc on a un homme progressiste de gauche qui veut aider les minorités, qui dénonce Reagan et le complexe militaro-industriel, qui active une opposition peuple-élite, mais qui met derrière le peuple et qui met derrière l'élite des contenus qui n'ont strictement rien à voir avec ceux que Donald Trump met. Et pour l'anecdote, c'est assez intéressant de voir que Donald Trump se revendique de Reagan. On a deux personnes qui sont dans un registre populiste, qui s'inscrit dans l'histoire populiste américaine, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, mais ils le font en opposant un peuple et une élite avec des contenus différents. Je vous donnerai d'autres exemples plus tard. Mais précisons tout de suite que l'opposition peuple-élite, ce n'est quand même pas que peuple-élite, le populisme, même si ce n'est pas une idéologie, a quand même, je dirais, un peu de contenu. Et le peuple, il est systématiquement présenté comme homogène, majoritaire et travailleur. Je maintiens, et je répète que je ne suis pas venu ici avec la vérité, et que pour avoir du populisme, il faut qu'il y ait l'opposition populiste, mais il faut aussi que le peuple soit homogène, majoritaire et travailleur. L'homogénéité va varier d'un populisme à l'autre. On vient d'en parler. Chez certains, l'homogénéité, elle est ethnique, elle est raciale. Nous sommes blancs et gaulois. C'est ça qui fait qu'on est homogène. Chez d'autres, l'homogénéité, c'est la souffrance. Nous souffrons tous de l'exploitation des élites. Majoritaire, très important, et ça nous amènera à la question de savoir est-ce que le populisme est une menace pour la démocratie. Personnellement, je pense que ce n'est pas systématique, que le populisme peut être un vecteur de dynamisation de la démocratie, mais ça va dépendre sur quelle idéologie il se greffe, évidemment. Peuple majoritaire, c'est-à-dire que dans le discours populiste, on ne va jamais évoquer le peuple comme étant minoritaire, d'où la difficulté pour Donald Trump, c'est d'inventer un peuple majoritaire au moment précisément où l'Amérique blanche devient minoritaire. Vous savez que pendant longtemps, aux États-Unis, le groupe des Américains blancs avait une majorité absolue, c'est-à-dire 51%. Elle restera encore longtemps la plus grosse des minorités, mais va devenir une minorité. Elle va descendre en tout de 51%, si ce n'est pas déjà le cas, et on va se retrouver avec deux, trois grosses minorités, et la plus grosse de ces minorités sont les blancs. Et il y a une différence entre être une minorité parmi d'autres, même la plus grande, et avoir la majorité absolue. Et donc, Donald Trump a dû utiliser évidemment toute une série d'outils très sophistiqués pour arriver à évoquer ce peuple majoritaire menacé qui, comme on le disait, est essentiellement un peuple blanc déclassé. Et j'aurais envie de dire, et pourquoi est-ce qu'il aurait tort de protéger ces gens-là? Après tout, pourquoi pas? Parce que c'est pas parce qu'on défend les perdants de la mondialisation et plus particulièrement les blancs que c'est inacceptable. Évidemment, avec tout ce qui va avec le rejet des Mexicains, le racisme, etc., ça pose problème, mais pourquoi n'aurions-nous pas le droit, dans un discours politique sain en démocratie, de dire les blancs commencent à souffrir aussi? Pourquoi? Pour moi, ça va pouvoir être. Homogène, majoritaire et travailleur. Très important, pas de populisme sans la valeur travail. On parle d'allocation universelle, etc. peux vous garantir que vous n'aurez pas de populisme sans allocation, sans valeur travail. L'allocation universelle, ce n'est pas la valeur travail, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le populiste va défendre le travailleur, le retraité qui a travaillé, l'étudiant qui va travailler, et le chômeur, à condition qu'il cherche du travail. Vous n'aurez pas de populiste qui défend celui qui ne cherche pas. Ces trois éléments sont importants et varient très fort d'un discours populiste à l'autre. Et je le répète, si vous prenez Jesse Jackson, Ross Perot, Donald Trump ou Arnold Schwarzenegger en Californie, qui opposait le peuple, des indépendants, des petits entrepreneurs, un peu comme Berlusconi. Il y a une grande proximité entre Schwarzenegger, Berlusconi et Trump. Hein. Je prends des exemples plus américains, mais on reparlera l'Europe tantôt. Schwarzenegger opposait un peuple constitué en fait de travailleurs qui se battent tous les jours pour vivre, pour être indépendant, pour être entrepreneur. Et il défendait aussi le working poor. Vous êtes travailleur, vous êtes pauvre et vous ne vous plaignez pas. Ça, c'est le peuple de Schwarzenegger en Californie, c'est uniquement en Californie, hein, c'est pour être gouverneur. Il avait un balai, Henri de Lerchneider le balai, enfin pas Henri de Grel le balai. Donc Schwarzenegger a utilisé le balai et disait il faut balayer les ordures politiques. Il faut nettoyer la politique. Et moi, je suis un homme du peuple, je viens d'Autriche, je me suis fait tout seul, grâce à mes muscles, grâce à Terminator. Il a écrit une biographie passionnante qui s'appelle Total Recall, pour ceux qui ont vu le film. Mais c'est un jeu de mots, c'est parce qu'il a réussi à devenir gouverneur grâce au recall, qui est une sorte de procédure en Californie où vous pouvez démettre quelqu'un qui est élu comme gouverneur à l'appui d'une pétition. Donc grâce au recall, il a chassé Gray Davis, il est devenu gouverneur à sa place, et il a écrit une biographie où il explique son entrée en politique, et en faisant un clin d'œil à du film Total Recall, il appelle sa biographie Total Recall. C'est intéressant de voir comment Schwarzenegger a manœuvré. En cela, il nous rappelle Berlusconi, Trump, et dans une moindre mesure, Bernard Tapie. Oui, mais il est un peu plus jeune, mais Bernard Tapie est arrivé au pouvoir avec un registre populiste de gauche, en disant, moi je me suis fait tout seul et je vais aider les jeunes des banlieues. Et Mitterrand, fin tacticien, s'est dit, je vais l'utiliser avant de l'abandonner. Ça, tant pis pour Bernard Tapie. Et Schwarzenegger va opposer un peuple constitué de travailleurs et d'indépendants, etc. Et en face, qu'est-ce qu'on a? L'élite syndicale et démocrate. Les syndicats, le Parti démocrate et certains profs dans l'enseignement public et certains fonctionnaires sont en fait des parasites qui vivent sur une rente situation. Donc on a chez Schwarzenegger un populisme qui est plutôt centriste en fait, parce qu'il peut par ailleurs avoir des décisions très fortes en matière d'environnement et avoir des positions très progressistes. La femme possède son corps, donc je défends le droit à l'avortement. Donc Schwarzenegger est un personnage particulier, centriste, centre-droit, mais qui oppose à un peuple et une élite qui n'ont pas grand-chose à voir avec Marine Le Pen ou d'autres. En face du peuple, on a l'élite. Quelles sont les caractéristiques de l'élite? Ben, en fait, l'élite, elle est minoritaire, paresseuse et hétérogène. Minoritaire, elle n'a pas la légitimité, c'est une clique de quelques individus, ce n'est pas la majorité du peuple, donc il n'y a pas de légitimité, et ça c'est très important. Le populisme emprunte à la démocratie le fait que seule la majorité donne la légitimité. C'est une idée qu'on peut contester, hein, ça. Aujourd'hui on ne le fait pas, mais on pourrait contester le fait que la légitimité ne provient que de la majorité. Rien n'empêche une majorité de se tromper, en tout cas ces idées sont légitimes, mais on vit dans un système où en général, majorité égale légitimité, hein, dans un cercle étudiant, vous êtes 9 ou 10, où est-ce qu'on part en vacances cette année-ci, vous votez, s'il y a plus de la moitié qui vote pour partir quelque part, ben vous direz, on a voté, c'est la majorité, le choix est légitime, la décision est légitime. Vous pourriez dire, non, c'est pas parce que vous êtes majoritairement dans l'erreur, vous avez raison. Bon. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, parce que c'est le cœur de la démocratie, c'est un tout autre débat. Mais il y a un point commun entre les populistes et les démocrates, c'est qu'ils sont très sensibles à l'idée de majorité. Donc, ils attaquent l'élite qui est minoritaire. Ce sont des parvenus, ils ne proviennent pas du peuple. C'est papa qui a amené son fils à Washington ou à Bruxelles ou au Parlement wallon ou au Parlement bruxellois. Minoritaire, paresseux. Les élites ne travaillent pas. Ça, c'est très important. Dans le discours populiste, le travail est fondamental, mais pas n'importe quel travail. Produire, travailler dans le champ, travailler à l'usine, transpirer, travailler dur. C'est pas le boursicoteur qui s'enrichit en bourse, c'est pas le banquier qui s'enrichit sur l'argent des épargnants. c'est le vrai travail. C'est ce qui fait que le populisme parfois vise juste. Quand on voit à quel point on est dépendant des marchés aujourd'hui, et quand on voit que Barroso va travailler chez Goldman Sachs, on peut se demander s'il n'y a pas une alliance entre les marchés et l'Union et les cadres supérieurs de l'Union européenne contre 500, contre 1 milliard d'individus qui, eux, n'ont pas le choix. Tous les matins, c'est le tram, c'est aller produire du pain, c'est aller déposer en étant mal payé via des livres de pizza chez le voisin, etc. Donc, je dis ça parce que le populisme, parfois, vise juste. Je ne suis pas en train de dire que Donald Trump vise juste, mais ce serait dommage de dire populiste. Alors, parfois, le populisme vise juste au sens où il dénonce des problèmes réels. J'en arrive à Mélenchon ou à Raoul Edebaud. On peut les accuser de populisme pour un certain nombre de choses. J'étais au vœu du PTB l'autre jour en tant qu'observateur, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant de voir comment ce parti est en train de décoller. Donc, c'est un beau travail de terrain, pour ceux que ça intéresse. Et qu'est-ce que je vois ? Son Damien Robert, le numéro 2 du PTB à Liège, qui dit maintenant, affaire publique inoblige, maintenant, il y a ceux qui s'en mettent plein les poches et il y a nous. Il y a ceux qui s'en mettent plein les poches et il y a nous. Mais pas très loin de Grêle. Ça n'a rien à voir, hein, je ne dis pas que Raoul, c'est Léon. Mais Damien Robert réduit l'extrême complexité de notre société, sociale, politique, économique, à deux camps. Il y a ceux qui s'en mettent plein les poches, entendez les élites. Et nous qui travaillons beaucoup, qui produisons, qui avons des petits salaires, voire pas de salaire. Mélenchon a une critique de l'Union européenne très intéressante, donc parfois ils disent juste. Mais loin de moi l'idée de vouloir dire que seul le populisme de Gaulle vise juste, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'essaie de sortir d'une vision possible du populisme de droite mené par Henri, en nous invitant à réfléchir sur le fait que le populisme n'est peut-être pas toujours inutile, ou peut-être pas totalement antidémocratique. On va voir. L'élite est minoritaire, paresseuse et hétérogène. Pourquoi est-ce qu'elle est hétérogène ? Et parce qu'ils n'ont pas de racine commune. Ce qui les rassemble, c'est le profit. C'est le goût de la coupe de champagne où on discute autour d'un bon repas pour dire bah, « Écoute, j'ai un copain qui pourra te prêter l'argent pour que tu rachètes telle boîte, mais j'ai besoin de toi parce que je suis en campagne électorale, donc tu vas un peu rameuter tes amis pour qu'on vote pour moi. » C'est une accusation à l'encontre d'une minorité élitiste, des parvenus qui soutiennent entre eux. Je le répète, c'est pour ça que Juncker et Barroso, je pense, à eux deux, représentent une plus grande menace pour l'Union européenne que tous les partis populistes réunis. Parce qu'ils envoient une image terrifiante. L'ancien Barroso, est-ce qu'il travaillait pour nous ou est-ce qu'il travaillait pour... Parce qu'après, il allait être engagé par Goldman Sachs. Parce que c'est à la mode maintenant, hein, de passer en politique quelques années pour la carrière qui suit. Demandez à Gerhard Schröder ce qu'il en pense, hein, sa vraie carrière a commencé après. Il a été engagé par les Russes, avec un salaire mirobolant, j'ai rien contre l'argent, et moi j'essaie d'en gagner le plus possible. Mais on peut se poser la question de savoir si c'est normal que quelqu'un c'est rappelé aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'on a le droit de devenir président sans qu'il y ait d'incompatibilité après. Parce qu'on peut se poser la question, tiens, Schröder, il a voulu être président pour l'Allemagne, ou c'était un tremplin vers une carrière avec un salaire deux à trois fois supérieur. Les Clinton, d'ailleurs, qui ont initié cette pratique qui consiste à faire des conférences à 300, 400 000 euros. Et il ne faut pas non plus reprocher aux Américains, quand on leur propose Clinton-Trump, d'être irrité par la fondation Clinton et par ses conférences à 200-300 000 euros. Je veux dire, Hillary Clinton, ce n'est pas une gauchiste, hein, ce n'est même pas une centriste, hein, mais sur le plan international, elle est plutôt néoconservatrice. Donc, opposer Clinton à Trump, il faut un peu comprendre aussi le traumatisme des Américains. L'élite, elle est paresseuse, elle est minoritaire, elle est hétérogène. Ces gens, la seule chose qui les rassemble, c'est le goût du profit. À cette matrice peuple-élite, qui se greffe sur des idéologies, il faut ajouter, j'en parle quelques secondes, le leader charismatique. Juste un complément par rapport à Henri, le leader charismatique doit être beau, ou en tout cas, il doit, je dirais, être sportif, si possible bronzé, dynamique, il doit se lever tôt. Mais ce charisme, il a pour mission de rassembler sur son visage les différences réelles de la société. Que dit le leader charismatique populiste ? Toi le patron, toi l'employé, vous n'êtes pas en opposition. Main dans la main, rejoignez-moi, parce que l'ennemi, c'est l'élite, c'est pas le patron, c'est pas le syndicaliste, c'est pas, ça peut être le syndicaliste dans certains cas. Le populiste dit, riche et pauvre, vieux et jeune, homme de gauche, homme de droite, patron, employé, indépendant et salarié, chômeur et millionnaire, arrêtez de vous disputer. Vous n'êtes pas, vous ne devez pas vous disputer car vous êtes le peuple. Vous devriez être main dans la main derrière moi et on va donner un coup de pied au derrière aux élites. Donc on supprime toutes sortes de clivages et on met à la place le clivage peuple-élite. Mais pour y arriver, il faut faire une synthèse. Et la synthèse est très compliquée. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise puisse marcher main dans la main avec un employé? Il y a plein de choses qui les séparent. Comme quelqu'un qui est au chômage, ça va le séparer de quelqu'un qui est à la rue. Et quelqu'un qui est au chômage ne va pas être comme quelqu'un qui travaille. Et quelqu'un qui travaille beaucoup en gagnant peu ne voit pas le monde comme quelqu'un qui travaille peu en gagnant beaucoup. Toutes ces divisions sont réelles. Et comme il est très difficile de rassembler tous ces gens, il faut que le charisme du leader mette un rideau de fumée sur toute cette réalité qui vit pour susciter l'idée d'un peuple homogène, majoritaire et travailleur contre un ennemi nouveau, l'élite. Berlusconi, Silvio Berlusconi est en Europe, je pense, le modèle le plus susceptible de nous enseigner ce qui va se passer avec Donald Trump, puisque Berlusconi avait clairement dit « il faut voir l'Italie comme une entreprise ». Prospero l'avait dit aussi aux États-Unis. Le pays comme une entreprise, c'est-à-dire que si les dirigeants ne sont pas bons, on les vire et on met d'autres personnes à la place. Si l'Europe va mal, si les États-Unis vont mal, c'est à cause de la classe politique corrompue, on va y mettre des chefs d'entreprise qui savent comment gérer l'entreprise. Le peuple, c'est les actionnaires. C'est la métaphore de l'entreprise. L'Italie devient une société, le peuple, c'est les actionnaires, les dirigeants, ben, c'est le chef d'entreprise qui a réussi, et moi, Berlusconi, j'ai réussi. Trois choses. D'abord, on s'aperçoit en observant tout cela qu'il y a une substitution. On s'aperçoit que le clivage système-anti-système se substitue au clivage droite-gauche, gauche-droite. C'est pas toujours vrai, mais c'est clair que si vous suivez Marine Le Pen ou Donald Trump, ils ont plus joué sur le clivage système-anti-système. Êtes-vous pour le système ou contre? Si vous êtes contre, votez avec moi. Si vous êtes pour, votez pour Clinton, pour Sanders, etc. Cela laisse entendre que le clivage gauche-droite n'est plus pertinent. La prudence, si on regarde le programme de Donald Trump, c'est un programme de droite. À ce stade, je le considère essentiellement de droite. On verra si ça devient un programme d'extrême droite. Pour une raison toute simple, c'est que son histoire de mur, etc. Je signale quand même que le mur existait avant qu'Obama soit arrivé au pouvoir. Et pendant 8 ans, personne n'a dit « Obama, détruit ce mur ». C'est ça que c'est très irritant. Hein. Les Américains ont un petit peu marre de ce personnage qui a été mis sur un piédestal, à qui on a tout pardonné, qui rend les clés de la Maison Blanche avec un pays qui ne va pas bien du tout 8 ans plus tard, et un mur qui n'a jamais cessé d'exister. Et subitement, d'ailleurs Trump l'a dit hier, hein, le pays divisé, c'est pas moi qui l'ai divisé, il était déjà divisé en 2008 et Obama a aggravé la situation en 8 ans. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. On peut non, bien sûr. Mais disons que... Je fais exprès pour... c'est marrant parce que chaque fois que je le dis de façon un petit peu trop radicale, Obama, ça a été un désastre, et il y a quand même toujours... C'est la preuve qu'il est très populaire. Et je revois quelqu'un qui... Oh non, on peut quand même pas dire ça. Bon. Mais, par contre, ce qui est vrai, c'est que le mur existait avant Obama, et que ça n'a pas du tout été sa priorité de supprimer ce mur. Et la seule différence avec Donald Trump, c'est qu'il veut le renforcer. Mais voilà, je vous signale aussi que des murs, il en existe en Europe. Ceux qui ont la chance de prendre l'Eurostar pour aller à Londres, à un moment donné, vous allez passer l'île, et puis vous verrez arriver des miradors, des grillages de plus en plus hauts, des patrouilles, des soldats, des mitraillettes et tout. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les malheureux qui veulent une nouvelle vie à Londres puissent rentrer dans le tunnel. Mirador, pour moi, un mur de barbelé avec des miradors, c'est un mur. Hein. Ne me dites pas, oh, mais c'est de barbelé, c'est pas de briques. Non, c'est un mur. Donc, les Européens, les journalistes européens, pas vous quand vous serez journaliste, mais ceux d'aujourd'hui qui se trompent, disent Trump, là je sais de séduire la formule, on se trompe quand on s'acharne sur Trump et son mur. Moi je préférerais qu'on dise, avant d'attaquer Trump, voyant ce qu'Obama a fait et voyant surtout ce qu'on fait avec nos propres murs. Demandez un peu aux Espagnols comment ils gèrent les murs de barbelés qui entourent les deux enclaves situées au Maroc. Demandez aussi à Victor Orban, qui n'a rien inventé, il s'est inspiré des Anglais, des Français et des Espagnols, mais on n'a pas dit ça, on a dit Orban fasciste, parce qu'il fait un mur. Si les Belges avaient une frontière avec l'extérieur de l'Union Européenne et l'espace Schengen, je peux garantir qu'on aurait un mur. Mais on est entouré de Français, d'Allemands, etc., pas nécessaire. L'appel au peuple du populisme, c'est une réalité. Alors parfois c'est de la manipulation, parfois pas. Mais je pense qu'on doit acter, on doit savoir que l'appel au peuple du populisme n'est pas toujours une farce. Parfois ça l'est, parfois à moitié, parfois c'est de la manipulation, mais le populisme cherche réellement à dénoncer une usurpation du pouvoir. La question c'est de savoir, une fois qu'ils sont au pouvoir, est-ce qu'ils vont rendre ou non ce pouvoir au peuple. Dans le cas de Berlusconi, il a donné beaucoup de pouvoir à Umberto Bossi pour lancer un processus de régionalisation. Il y avait des demandes en Italie pour qu'il y ait davantage de pouvoir au niveau fédéré comme chez nous en Belgique. Donc on pourrait dire qu'il a en partie tenu parole sur cette volonté de rendre au peuple la possibilité. Beppe Grillo, populiste italien à la mode, ancien comique, lui propose un système il est en train de se casser la figure maintenant, mais ça, tout un temps on a cru que ça allait marcher. Il a un système de démocratie électronique où les membres de son parti peuvent en permanence réagir sur les décisions qui sont prises, etc. Donc, ce n'est pas uniquement du vent de dire « je veux rendre le pouvoir au peuple ». Quand Schwarzenegger est au pouvoir, non seulement il le fait grâce au référendum et au recall, des outils que les populistes adorent et que les Suisses utilisent beaucoup, sans qu'on traite les Suisses d'être populistes, et quand Schwarzenegger est arrivé au pouvoir, il s'est rendu compte que la législature le détestait. Pourquoi ? Parce que c'est un imposteur, c'est un acteur d'Hollywood qui arrive à devenir gouverneur. La classe politique ne supporte pas les gens qui rentrent par effraction dans leur parc privé politique où il y a des règles pour être politique. Il faut faire des études, il faut candidater, etc. Et Schwarzenegger, il sort 15-20 millions de dollars et ouf, en quelques mois, il est gouverneur. Donc, il a plein d'ennemis. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit pas de soucis, puisque vous n'êtes pas d'accord, parce que la législature ne le soutient pas. Et il s'est fait beaucoup d'ennemis au camp républicain, parce que c'était Condoleezza Rice qui était supposé devenir gouverneur, donc forcément il s'est fait quelques ennemis. Et il dit, il n'y a pas de souci, je vais continuer à travailler en direct avec le peuple. Alors le tweet n'existait pas encore, mais lui ce qu'il fait, c'est qu'il lance des référendums en permanence. Et il dit, peuple de Californie, les puissants, où est-ce qu'il a le siège du gouverneur et de, là, c'est à Sacramento. Les élites de Sacramento ne vous écoutent pas, peuple de Californie, je propose un référendum pour changer ceci, etc. Et ça marche. Donc il utilise des outils dont on vante souvent les vertus en Suisse, hein, les dotations, etc. Loin de moi l'idée de vous dire donc les populistes sont des démocrates et sont sincères, mais ne n'excluons pas le fait que parfois ils utilisent des outils ou proposent réellement un moyen de récupérer du pouvoir dans le chef du peuple. Je ne sais plus quand j'ai commencé, s'il me reste 10 minutes, 5 minutes ? Oui, je suis prêt. Parfait, super. 15 heures, bon, parfait. 20 minutes. Parfait. Donc, le clivage gauche-droite, il subsiste, mais souvent le populisme fait croire qu'il n'est pas pertinent. Mais si vous regardez Jesse Jackson, il était clairement à gauche. Si vous prenez Hugh Long, est-ce que quelqu'un sait qui est Hugh Long ? Sénateur de Louisiane dans les années 20, qui, comme beaucoup de leaders politiques, finira assassiné aux États-Unis. C'est une sorte de Michel Dardenne de Louisiane, de gauche, aimant beaucoup boire, mais avec une fibre sociale sincère, voulant aider les plus capables de s'entendre avec à peu près avec tout le monde. Et ce type réalise que les pauvres ne savent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'elles sont en mauvais état, et parce que les livres coûtent cher. Alors il décide de faire construire des routes, et il décide de rendre l'enseignement non seulement gratuit, mais aussi distribution d'ouvrages gratuits. Il va progressivement donc être classé comme un populiste de gauche dans la longue histoire du populisme américain. Et alors ce qui est intéressant, c'est que chaque populiste a toujours son outil technologique. Berlusconi a inventé le télépopulisme. Silvio Berlusconi, c'est un des premiers qui a décidé de mépriser le Parlement. Il communiquait à la télévision en direct sur ses propres médias et sur la RAI dont il avait la tutelle, pour parler au peuple, un petit peu comme Maduro et Chavez au Venezuela. On contourne les outils traditionnels de communication et on s'adresse directement au peuple. Trump, c'est évidemment le tweet, qui est un outil extraordinaire. Hein. Vous avez 300 000 journalistes qui vous attaquent, ça n'a aucun impact. Il balance un tweet, il parle directement à ses suiveurs, et après, les 300 000 journalistes commentent le tweet. C'est une puissance. Je veux dire, Berlusconi aurait rêvé d'avoir ça. L'homme, évidemment, années 20, pas d'Internet, pas de tweet, pas de Facebook, pas de télévision, un peu de radio, pas même beaucoup de radio déjà. Alors lui, ce qu'il fait, c'est un peu archaïque, mais c'est l'époque, il utilise un sound truck, c'est-à-dire une espèce de camion avec des baffes, des gardes du corps. Il s'amène au milieu d'un village, il prend son micro et il commence « Il y en a marre d'être pourri de Washington, nous devons… » Il crie, alors les gens… et puis alors, il y a des ennemis qui arrivent, les gardes du corps le protègent, puis il part et il recommence dans un autre village. C'est moins efficace que le tweet, mais c'était déjà une façon de parler au peuple en détournant, je dirais, les voies traditionnelles. Hugh Long va devenir très populaire, sénateur de Louisiane puis sénateur fédéral, et il menace Roosevelt. Au début, il le soutient, parce qu'il pense que Roosevelt trouve, au début des années 30, des bons outils pour lutter contre les effets désastreux de la crise financière. Mais Long finit par trouver Roosevelt trop centriste, trop proche des riches, trop proche de Wall Street. Et donc, il menace la candidature de Roosevelt et les démocrates. Et puis, finalement, il sera assassiné et sa carrière s'arrête là. Mais on a encore un autre type de populiste, plutôt de gauche, qui oppose le fermier pauvre de la campagne à l'élite de Washington et l'élite de Wall Street, mais pas les entrepreneurs et les hommes d'affaires, parce que déjà dans les années 20, l'homme dit « Moi, je n'ai rien contre le banquier qui va simplement garder mon argent dans un coffre. Je suis contre celui qui utilise mon argent pour spéculer. Je n'ai rien contre le fermier, je n'ai rien contre l'ouvrier, je n'ai rien contre le marchand de pizza, je n'ai rien contre le marchand d'alcool, je suis contre celui qui va spéculer sur tout ça. » Donc on est déjà dans ce clivage peuple-élite, et on a déjà ce rejet de l'élite qui boursicote, le profiteur, versus le peuple pur, travailleur, homogène, etc. Donc, clivage gauche-droite, il est en sous-marin, mais il est toujours présent. De toute façon, on peut discuter du clivage gauche-droite et du fait que des partis dits de gauche font des politiques de gauche et de droite font des politiques de droite, ce serait l'objet d'une autre leçon sur le fait que c'est loin d'être cohérent dans l'histoire. Alors, il y a un appel à la démocratie, il est indéniable. Et enfin, retenez que selon cette proposition, le populisme se greffe sur les idéologies. Conclusion, il faut avoir peur du populisme. D'abord, on s'aperçoit quand on regarde de près que le populisme rejette les institutions intermédiaires. En fait, il rejette les médiations. Quel est le message profond philosophique du populisme? Si le peuple veut, il doit pouvoir exercer le pouvoir et obtenir la réalisation de sa volonté. Mais si ce n'est pas possible, c'est parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Il y a les partenaires sociaux, il y a les syndicats, il y a les lobbies, il y a les administrations, il y a les cabinets, il y a les ministres, etc. Ça prend trop de temps. Donc, le populiste dit, vous allez passer par tous ces intermédiaires qui passent leur temps à discuter sans agir. Vous voulez, vous aurez, débarrassons-nous des acteurs intermédiaires, débarrassons-nous des médiations. Ce qui m'amène à penser que le populisme est une forme de négation de la politique, peut-être pas de la démocratie, mais vous me direz, est-il possible de faire de la démocratie sans politique? Mais nier ces médiations, nier ces intermédiaires, c'est quelque part nier la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est quand même essentiellement un long travail de négociation entre des acteurs pour essayer de faire émerger une politique qui colle plus ou moins avec les attentes populaires. Si on supprime les intermédiaires, en quoi est-ce que le leader populiste, comment va-t-il mettre en œuvre une politique, sauf à considérer qu'il le fait de façon autoritaire, en mettant dans les camps ceux qui ne sont pas d'accord, par exemple? S'il n'y a plus d'intermédiaires, c'est compliqué. Donc, on peut considérer que le populisme, c'est une façon d'éclipser le temps politique, cette lourdeur des intermédiaires, et donc, d'une manière, c'est une façon de supprimer la politique. C'est une façon, on peut voir les choses de cette manière. Il y a le temps médiatique qui est très rapide, il y a le temps judiciaire qui est extrêmement long, les familles des victimes le savent, et il y a le temps politique qui est aussi très long. Vous savez mieux que moi que ça fait des années qu'on nous parle d'un RER à Bruxelles. Moi, je me souviens, c'était à l'époque du gouvernement Verhofstadt, fin des années 90. Les écologistes parviennent, je crois, à faire valoir l'idée que ce serait peut-être bien de désengorger Bruxelles, de mettre sur pied un RER, etc. Et 18 ans plus tard, c'est assez cocasse de voir où on en est. C'est un bon exemple de lourdeur administrative. Il y a trop d'intermédiaires, trop de communes, trop de divergences entre le nord et le sud, entre les Wallons, les Flamands, les Bruxellois. Résultat, le problème n'avance pas ou très lentement. Et donc le populiste va s'engouffrer là-dedans pour dire supprimons tout ça, cet intermédiaire. Il suffit de vouloir pour avoir. On est donc dans un registre mythique. Alors peut-être vous pouvez me dire, donc c'est un problème. La politique est souvent dans un registre mythique. Donc ça ne suffit pas pour dire que le populisme est une menace. Alors, pour terminer, donc de tout cela, j'en déduis que le populisme n'est pas une idéologie qui se greffe sur des idéologies et qu'au cas par cas, il faudra voir dans quelle mesure on retrouve un peu plus une élite avec les critères que j'ai donnés. J'en déduis que ce n'est pas systématiquement négatif. Des mouvements populistes dans l'histoire ont dénoncé des problèmes réels. Ce n'est pas pour ça qu'après, ils ont été capables de les régler, mais c'est arrivé dans l'histoire et Donald Trump aujourd'hui. On dira certainement de lui dans 10 ans qu'il est un des premiers acteurs politiques de premier plan à avoir montré le problème d'une partie blanche de l'Amérique. Il l'a montré beaucoup plus que d'autres. Alors il l'a fait parce qu'il est en fin de carrière et qu'il est narcissique et qu'il voudrait bien aller à la Maison Blanche. Mais il l'a quand même fait. C'est le premier qui a décidé d'en faire un enjeu d'envergure. Donc ce n'est pas totalement inutile, évidemment. Maintenant qu'il est à la Maison Blanche et tout, d'autres problèmes vont se poser. Mais je veux juste par là un peu relativiser l'idée selon laquelle tout populisme pose problème. Et alors, dernière chose, est-ce que le populisme du coup n'est pas un peu partout? Et là je pense que pour éviter de tomber dans ce danger que j'évoquais en début de conférence, c'est qu'il faut aussi s'intéresser à la récurrence. Quand Elio Di Rupo a dit, un petit peu avant d'être détrôné par Jean-Michel, quand il a dit à l'époque de la crise de 2008, un petit peu après, il faut en finir avec cette parvenue de la finance, il faut en finir avec la toute-puissance des banques, il a eu son moment populiste. Je dis bien son moment populiste. Pourquoi? Parce que les banques en Belgique, jusqu'à nouvel ordre, elles ne font que ce que la loi leur permet de faire, et cette loi, c'est qui l'a produite, c'est les parlementaires au niveau fédéral, au sein du Parlement, au sein duquel siègent depuis très longtemps un certain nombre de députés socialistes. Donc dire il faut en finir avec la toute-puissance des banques, ce sont des parvenus, c'est laisser entendre qu'Elio Di Rupo est du côté du peuple opprimé contre une élite financière, sans que ce peuple opprimé n'ait jamais rien pu faire. Non, il y a des partis politiques en place qui pouvaient agir, aux États-Unis évidemment, mais en Europe aussi. À partir du moment où il y a la contagion des subprimes, ce n'est pas les États-Unis qui ont dit « Envoyons nos produits toxiques en Europe ». Non, c'est parce que Etias et d'autres avaient décidé d'acheter des produits toxiques. Donc, ce sont des décisions avec des conseils d'administration politique et tout, donc il y a une grande responsabilité. Elio Di Rupo était-il pour autant populiste? Non. Il l'a eu ce jour-là. Il a flirté avec un registre populiste l'espace d'une demi-heure. Je pense que ça ne suffit pas à en faire un populiste. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont emprunter ce registre occasionnellement. On est, je pense, face à du populisme lorsqu'il y a de la récurrence, lorsque ça apparaît dans le programme, lorsque tous les enjeux sont réduits à l'opposition peuple élite. Il y a beaucoup de partis qui vont activer un peu le peuple élite, mais pas systématiquement. Le Front National de Jean-Marie Le Pen activait peu cette opposition peuple élite. C'est avec l'Union Européenne que Marine Le Pen a compris que l'opposition peuple élite était une opportunité. Et que même si le Front National a d'abord avant tout un problème des étrangers, il y avait une opportunité à s'opposer à l'Union Européenne, a fortiori si on l'accuse d'être partenaire de l'islamisation de l'Europe. Donc la récurrence est importante également. Sinon, évidemment, il y a du populisme partout, parce que je parlais du PTB tout à l'heure. Si j'isole Damien Robert qui dit « Maintenant, il y a ceux qui ne s'en mettent pas les poches et nous », c'est clair que c'est un logique populiste. Il faut voir dans quelle mesure ce discours va ressortir systématiquement, dans quelle mesure il apparaît dans les tracts, dans les programmes, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. À vous ? Oui ? Oui, j'avais deux questions en fait. La première, comment s'appelait le nazisme alors ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un populisme qui devient dangereux ? Et puis, à partir de quand est-ce qu'il devient dangereux ? Et deuxièmement, il y a quelqu'un qui parlait par rapport au Front populaire qui disait qu'il pose des bonnes questions, mais pas des mauvaises réponses. Je ne peux pas me souvenir qui était. Mais ça rappelle un petit peu ce que vous dites. Mmh. Voilà. D'accord. Peut-être prendre encore une question. Oui. Vous parliez tout à l'heure du discours des populistes. Est-ce que le discours des partis dominants n'est-il pas une sorte de populisme institutionnalisé? Et par ailleurs, je vais peut-être rebondir sur le point, un point qui, que j'ai très mal compris concernant Trump. Je ne pense pas qu'il se soit forcément adressé à l'Amérique pauvre, blanche. Ce ne sont pas ces gens qui ont voté pour lui, quand je veux dire les statistiques de qui a voté pour lui. Ce sont les personnes qui ont réparti de 50 000 dollars, c'est-à-dire les habitants moyens. Alors, ben pour moi, le nazisme, comme le populisme n'est pas une idéologie, le nazisme, par contre, est une vraie idéologie. Si on veut faire un lien entre les deux, il est évident qu'à certains moments, Adolf Hitler a mobilisé cette opposition populiste. Mais je ne pense pas qu'elle soit à ce point structurante, parce que dans le nazisme, il y a dans l'idéologie nazie, il y a la matrice conceptuelle idéologique fondamentale qui est le darwinisme social, ce qui implique que les hommes, les civilisations, les cultures ne sont pas égales, qu'il y a une hiérarchie, que c'est une bonne chose. Et que ceux qui sont en haut de la hiérarchie ont le devoir de dominer ceux qui sont en bas pour ne pas que les faibles se regroupent contre les forts. Et tout ça a de nombreuses implications, dont à certains moments, un discours à la gloire de l'allemand contre le juif boursicoteur, contre le juif politique. Mais ça me paraît être, je dirais, éphémère dans la toute-puissance de l'idéologie nationale-socialiste. Mais si on veut appliquer le concept populiste, on peut, sans aucun problème, comme pour De Grey, dire que dans son idéologie, il y a eu des moments où c'était l'opposition populiste qui dominait. Je pense que le truc le plus important dans le national-socialisme, c'est pas ça, c'est le darwinisme social. Alors, bonne question. Oui. Alors, en fait, c'est vrai que je veux bien considérer que un certain nombre d'acteurs populistes pose de bonnes questions en amenant de mauvaises réponses, dans la mesure où il repère un problème bien réel dont personne ne parle, l'inquiétude, comme on disait tantôt, de cette majorité blanche susceptible de devenir minorité. C'est pas parce que on pourrait leur dire, et alors, il y a des minorités hein, partout, mais on peut comprendre que ça tracasse des gens. Je veux dire, on a le droit, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est. Qu'il faut encourager ce genre d'inquiétude, mais. Ça me paraîtra un peu gros de dire, et alors vous devenez une minorité, ce n'est pas un enjeu politique. Je peux comprendre que ça inquiète certaines personnes, comme d'ailleurs comme les gens qui ont peur de l'islam. Hein, ils pensent que l'islam est de plus en plus présent en Europe, ou à l'inverse, les gens qui ont peur que telle ou telle religion recule. Ça me paraît être une inquiétude légitime. Je ne dis pas qu'il faut en déduire du racisme et un discours radical comme celui de Trump, mais je ne vois pas non plus pourquoi on devrait ignorer ces inquiétudes-là. Bonne question, mauvaise réponse. Je crois que beaucoup de gens n'aiment pas. Si vous dites, vous posez la bonne question, mais vous apportez la mauvaise réponse, vous légitimez votre adversaire. Donc je pense que dans le domaine politique, il y a peu de gens qui ont envie de légitimer certains discours populistes. Et donc, ils n'aiment pas dire que les bonnes questions sont posées. Mais je ne sais plus quel était l'adversaire qui était mentionné lorsque cette phrase avait été évoquée. Je crois que c'est Hubert Védrine qui l'a dit. Ou Fabius ? Laurent Fabius. C'est Laurent Fabius. Oui. D'accord. Donc, vous parlez du Front National. Oui, tout à fait. Voilà. Mais il est clair que si vous dites, vous posez les bonnes questions, mais vous apportez les bonnes réponses, vous apportez les mauvaises réponses, vous donnez déjà 50% de légitimité à votre adversaire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a envie de prendre ce risque. Mais il est clair que le Front National est le nom de quelque chose. Dire, ce sont des fascistes coupés du monde, je pense que la composante fasciste ou raciste au Front National est loin d'être la composante principale du Front National. La peur domine. La peur, l'inquiétude, le sentiment que tout va de plus en plus mal, sentiment en partie vrai, en partie faux, c'est une question aussi de couverture médiatique. Mais enfin, ça me paraît très malhonnête de dire que ces gens sont simplement des fous furés qui n'ont rien compris. Ils vivent juste quand ils expliquent les peurs, etc. Mais là où ils se trompent, c'est quand ils attribuent la responsabilité aux étrangers, aux musulmans, L'Union européenne, c'est déjà plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'Union européenne. Donc, quand l'Europe. Quand le front... être in tout en étant out. Oui, oui. Alors, vous parliez du populisme parti traditionnel. Est-ce que le discours des partis du monde n'est pas une sorte de populisme global dans le monde établi? C'est tout parti dominant se définit par rapport à un adversaire quand Fillon se bat contre les fonctionnaires ou quand Sarkozy se bat contre les petits Français. Il y a toujours une sorte de, à mon sens, de populisme en soi dans leur discours, mais qui se fait peut-être sous un vocable plus évident, qui a qui aussi une sorte de poids politique, bonsoir aussi. Personnellement, je ne pense pas. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas faire de politique sans avoir un adversaire. C'est le principe. Dans une démocratie représentative, qui fonctionne avec des partis, les statuts de votre parti, c'est de défendre une position contre d'autres positions. Donc, par nature, un parti traditionnel se doit de défendre un groupe contre un autre groupe, ou une vision du monde contre une vision du monde, ce qui me paraît tout à fait normal. Mais je ne vois pas en quoi cela en ferait du populisme, parce que si je reprends cette proposition, hein, avec le peuple élite et les trois caractéristiques du peuple et les trois caractéristiques de l'élite, je n'ai pas l'impression que Fillon, que Macron, que Charles-Michel, que Guillaume et les autres, je n'ai pas l'impression ni qu'ils mobilisent le peuple élite avec les caractéristiques évoquées, ni que ce soit récurrent. Mais par contre, c'est vrai qu'il se doit d'avoir un adversaire, donc à certains moments, on pourrait se dire, mais quand Guillaume s'en prend au parvenu de la finance, à ce moment-là, oui. Mais ça ne me paraît pas être loin de là, récurrent ou permanent dans les partis traditionnels. Pour Donald Trump, je suis moins d'accord avec vous. Je pense que ce qui est surprenant, c'est que pas mal de minorités non blanches ont voté pour Donald Trump, alors qu'on avait dit qu'il s'en est tellement pris aux Mexicains, aux Afro-Américains, qu'il ne sera soutenu que par les Blancs. Ça n'a pas été le cas. Et dans les états de la ceinture rouillée autour du Michigan, etc., ça a été, me semble-t-il, établi qu'il y avait eu un vote massif blanc, mais aussi, certainement, un vote aussi des plus riches qui savaient qu'on allait moins les taxer, ce que d'ailleurs Donald Trump est en train de proposer pour l'instant. C'est bien à la fin qu'il y a populisme patrimonial. Je vois qu'il va le rester en ce soir. Ouais. C'est parce qu'à la nuit de salope pauvre. On veut rester pour soi. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine dans les rapports entre le leader du populisme avec la presse, un rapport culturel que change avec Trump, ou est-ce que c'est vraiment qu'il y a... Alors Trump, c'est un phénomène assez nouveau, parce que si on prend Perrault, Berlusconi et Tapie, qui sont les trois, je dirais, individus qui lui ressemblent le plus en Europe et aux États-Unis, eux avaient plutôt une connivence médiatique basée sur le fait qu'ils faisaient de l'audience, donc on les invitait. C'est un petit peu comme les combats Georges Marchais et Jean-Marie Le Pen. Ils faisaient tellement d'audience qu'ils étaient, les journalistes adoraient. Ça faisait beaucoup d'audience et surtout on rentrait chez soi pour regarder le débat. Donc Trump, ce qui est intéressant avec tout ce qu'il fait maintenant, il l'explique dans son programme et dans une biographie. C'est très clair, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas du tout imprévisible. Il fait vraiment tout ce qu'un populiste doit faire, et il fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire dans son livre. Maintenant, ce qui va y arriver, ne sous-estimez pas le pouvoir judiciaire aux États-Unis et le Congrès, parce que le Congrès est rempli de gens qui haïssent Trump. Donc s'ils peuvent un jour s'en débarrasser, ils ne feront pas de cadeau. Et les républicains. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Je peux vous assurer que les républicains, ils détestent Trump. Ce personnage vulgaire, sexiste, misogyne, qui est en train de détruire le conservatisme traditionnel qui a fondé... Non, il a beaucoup d'ennemis. Je me réjouis de voir comment il va pouvoir négocier avec le Congrès pour faire voter cette loi. Pour l'instant, c'est l'exécutif. Non, pas beaucoup de points. Hein. Ce n'est jamais que des décisions quotidiennes qui sont tout de suite coincées entre les juges, la Constitution et les lois. Mais c'est le premier, Trump. C'est le premier qui a à la fois profité des médias et qui, une fois qu'il est élu, décide de se mettre totalement à dos, alors que Berlusconi, il savait séduire des amis journalistes, leur octroyer une heure d'échange, et donc il y avait une vraie connivence avec des journalistes pour avoir en permanence un flux médiatique le concernant. Alors que Trump, il a un petit peu fait ça en campagne, et puis il a fini par dire que c'est encore plus payant de les accuser tous d'être... L'élite de Trump, c'est politique, médiatique et Hollywood, hollywoodienne. Donc Hollywood, c'est stars proches du Parti démocrate. Les politiques, j'en ai parlé, et alors les journalistes, c'est surtout CNN et New York Times. Et même un peu Fox News, hein, alors que Fox News était censé être un média plus conservateur. Donc, c'est assez nouveau le phénomène Trump. Et le truc totalement nouveau, c'est l'usage de Twitter de cette manière. Ça, c'est quand même. Je ne sais pas combien il y a de gens qui le suivent, mais c'est assez important. J'ai une question, si je peux. Est-ce qu'on ne peut pas dire au fond que la démocratie représentative, c'est un peu la matrice du peuple? Dans la mesure où il faut être élu, où il faut faire campagne pour avoir la majorité, pour avoir des voix, etc., on est obligé de tenir un discours qui brosse le peuple dans son poil. Est-ce qu'au fond, le vrai remède, ce ne serait pas le tirage au sort? Alors, j'ajouterais à ton analyse, je dirais d'accord, à condition que la particratie soit en crise. Je veux dire, si jamais les gens ont l'impression que le système représentatif est grippé, notamment à cause des partis, alors c'est clair que ça génère du populisme qui est lui-même le résultat du système représentatif. Mais je pense que dans l'histoire, en Belgique et dans d'autres pays, il y a eu de nombreux moments où la volonté populaire, les comportements électoraux, l'émanation d'un gouvernement, l'émergence d'un gouvernement de coalition, tout cela collait plus ou moins et donc ne suscitait pas spécialement un rejet du système ou un rejet du principe de représentation. Maintenant, c'est clair que pour être homme ou femme politique aujourd'hui, c'est quand même un métier pénible parce qu'ils sont obligés de séduire pour être élus. Donc ils doivent parfois un petit peu mentir, ils doivent exagérer, ils doivent... Quand ils sont dans les médias, on les oblige à se disputer. J'étais l'autre jour chez De Boursu, expérience sur RTL, le dimanche matin. C'est assez incroyable. Il fait venir 30 personnes et il fait passer 6 personnes 20 minutes. 6 personnes 20 minutes, c'est terrifiant. Bon, soit, mais j'ai été, puisque je lui ai dit tantôt, bon, je vais quand même pas sur ma vite. Bon, j'aime bien parler de ce que je fais, donc pourquoi pas. Mais j'étais en donné avec deux élus qui étaient vraiment très sympas en coulisses. À peine l'émission commence, les De Boursu s'arrangent pour qu'ils se disputent. Et je me suis dit, les pauvres, ils sont de bonne foi, ils ont envie de faire avancer les choses, et ils n'ont même pas eu le temps d'ouvrir leur bouche, que De Boursu s'est déjà arrangé pour qu'ils se disputent, et ils sont obligés, hein, après. Ils n'ont pas beaucoup d'autonomie, ils sont presque obligés de se disputer, parce que s'ils ne se disputent pas, on dira après, tu t'es fait avoir, hein, tu as laissé ton adversaire prendre la main. Et donc, aujourd'hui, la méfiance vis-à-vis du pouvoir, bien légitime à cause de toute une série de crises qu'on traverse, fait qu'on se retrouve devant une classe politique qui est obligée de séduire et presque un peu de mentir pour être élu, et c'est clair que c'est le terreau du populisme, il nous ment. Alors le tirage au sort, elle présente davantage en effet, mais cela dit, comme je ne crois pas au vide du pouvoir, si on installe le tirage au sort, je ne serais pas surpris qu'assez rapidement le pouvoir tombe dans les mains des gens qui forment les gens qui sont tirés au sort. C'est-à-dire que ça va marcher la première fois, mais ça va être peut-être une catastrophe. On va avoir un citoyen qui va par exemple dire on sort du nucléaire. Du coup, on va dire oh là là, est-ce qu'il fallait. Est-ce une bonne chose de donner la parole à quelqu'un qui est tiré au sort? Mais évidemment, ce sera trop tard pour changer d'avis, et puis ça peut être du bon sens populaire de sortir du nucléaire. Je ne serais pas surpris. Il y a un gouvernement qui l'a dit qu'on va avoir. Oui, bien sûr. Oui, mais il faut, les Allemands ont un peu plus de moyens que tout de sortir du nucléaire. Oui, en Belgique, vous voulez dire. Oui, bien sûr. C'est une question de timing. Mais non, les écologistes, avant, c'est Paul Magnier de Kerker qui a promis, tout à fait. J'ai perdu mon idée. Ils sont arrivés au pouvoir, les écologistes, parce qu'à l'époque, les arbres votaient, hein, les écologistes. Les quoi? Les arbres votaient. Bon, votre idée, c'est que le tirage au sort oui. amène des gens qui vont faire n'importe quoi. Non, plutôt, donc, oui. Non, pas du tout. je pense que si on fait le tirage au sort, ce sera pour les jurés populaires à un certain niveau en justice. C'est-à-dire qu'on exigera de ces gens un certain nombre de critères pour être sûr qu'ils sont aptes à comprendre ce qui se passe. Et ce sont des citoyens qui vont sans doute s'imprégner très fort de toute une série de dossiers et qui ont peut-être la capacité à prendre des décisions que n'osent pas prendre les hommes politiques. Loin de moi dans l'idée de critiquer ça. Par contre, je vois bien comment fonctionne le pouvoir. Après quelques années d'essais autour du tirage au sort, je ne serais pas surpris que des mécanismes se mettent en place pour qu'on encadre bien ces gens. Et le pouvoir, alors, va tout doucement être transféré vers les encadrants, qui s'arrangeront pour que les tirés au sort n'abusent pas de cette liberté qu'on leur donne. C'est dans son sens que je tempérerai. Mais sinon, moi, je trouve qu'on devrait, pourquoi pas en Belgique ou en Belgique francophone, être peut-être les premiers en Europe à tenter le coup. Ça nous ferait, ce serait pas mal, pourquoi pas. Voilà, je vais couper la parole à quelqu'un. Vous disiez que le peuple pour le populisme est homogène, ce qui me paraît très étonnant quand on voit que Trump divise énormément aux États-Unis. Et il a dit que c'est pas lui qui avait divisé l'Amérique. Oui, mais bien sûr. Mais dans le sens où est-ce que c'est pas justement juste un peu nier toutes les petites divisions qu'il peut y avoir sur. Alors, vous avez tout à fait raison. J'aurais dû préciser tantôt que moi j'analyse les discours. Je ne fais pas d'entretien avec les gens pour savoir ce qu'ils pensent. J'analyse les discours et j'essaie de voir comment les discours rentrent dans un montage idéologique cohérent. Et j'aurais dû préciser, je crois que je l'ai un peu dit en filigrane, je regarde peut-être bien si c'est au début, j'essaie de vous dire comment eux présentent le peuple et l'élite. Je ne prétends pas que ce qu'ils disent est vrai. Et quand ils disent que le peuple est homogène, vous avez évidemment raison, il n'est pas homogène. Même le peuple ethnique de Marine Le Pen n'est pas homogène. C'est-à-dire, prenez un blanc du Jura et un blanc un parisien, vous allez tout de suite retrouver 15 000 différences. Donc, moi, je ne crois pas à l'homogénéité. Mais par contre, dans la rhétorique, on vante cette prétendue homogénéité. Mais du coup, comment ils y réagissent quand des divisions apparaissent comme ça? Comment Trump peut réagir? Ils sont sur un registre mythique. C'est le discours qui compte et pas tant la réalité. Ils sont totalement déconnectés au bout d'un moment. Ouais. Et Trump a beaucoup de mal maintenant parce qu'il avait réussi pendant un an et demi à faire, il a théorisé tout ça, hein, ça s'appelle l'hyperbole véridique, il part du principe que quand tu répètes tout le temps quelque chose, ça finit par exister. Et donc ça a marché jusqu'à ce qu'il soit élu. Le problème à la Maison Blanche, c'est qu'il y a des règles, et que vous ne pouvez plus simplement répéter quelque chose. Quand vous dites, on en parlait dans le train tout à l'heure, quand vous dites, ouais, conflit israélo-palestinien, solution à deux états, ou un état, le deux m'intéresse, mais ça, ça va être catastrophique pour la suite. Je me souviens que les Palestiniens n'ont pas gardé un bon souvenir des 8 années Obama, mais ça, c'est un autre problème. Mais il n'y a rien qui a changé, malgré le fait que Bono était venu chanter devant Obama en incluant dans sa chanson la cause palestinienne. 8 ans plus tard, j'aimerais bien vous dire qu'à Gaza, les gens sont toujours en train de se dire, comme à Guantanamo, hein, ils se disent merci Obama. Bon. Comment ? Alors il ne fallait pas faire campagne en disant quand j'arrive au pouvoir, je ferai Guantanamo. Certains juristes, ils savaient que ça allait être difficile et il ne fallait pas le dire. Il a fait campagne en disant avec moi, Guantanamo sera terminé. Non, 8 ans plus tard, c'est pas terminé. Maintenant, il est évident que c'est très compliqué puisqu'on ne sait pas quoi faire de ces gens. Si on les met sur le sol américain, du jour au lendemain, ils sont libérés, ils sont victimes d'une injustice, ils sont dans une zone de non-droit. Donc ils essaient de les envoyer dans toutes sortes de pays, les Belges en compris. Et ceux qui restent, c'est ceux qui, sur lesquels pèsent de vrais soupçons. Tous ceux qui avaient été arrêtés par force de frappe ont plus ou moins été. Mais Obama est un homme brillant. Avant de rentrer à la Maison Blanche, ses conseillers lui ont dit Guantanamo, ça va être compliqué. Il a permis de faire campagne dessus, et 8 ans plus tard, c'est pas arrivé. Donc voilà, mais je répète que je trouve que ce n'est pas d'un point de vue pédagogique négligeable, parfois de pousser un peu à l'extrême un positionnement comme je l'ai fait par rapport à Barack Obama, loin de moi, évidemment, je m'y dis. J'exagère un petit peu, mais je trouve que ça fait du bien un petit peu de sortir de cette vision idyllique qu'on a de Obama depuis 8 ans. Obligeons-nous un peu à nous demander, finalement, quel bilan 8 ans plus tard. Vous avez l'impression qu'on pardonne trop, Obama, par rapport à d'autres figures politiques. Je pense que maintenant, ça va s'arrêter. Parce que. On lui a trop pardonné. Enfin, ce qui s'est passé, c'est pas de sa faute. Il l'a dit lui-même. Dans les médias, par exemple. Mais la grosse erreur qu'on a fait, c'est un coup classique. J'ai déjà vécu ça à Bruxelles, quand on décidait de mettre des médiateurs interculturels turcs pour régler les problèmes dans la communauté turque. Déjà à l'époque, les experts avaient dit, c'est pas parce qu'il est turc qu'il sera plus apte à régler les problèmes des Turcs. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui est un médiateur interculturel compétent. On a tous fait l'erreur en Europe de croire que parce que Barack Obama était noir, ça allait se régler tout seul. Comme si sa simple couleur de peau allait apaiser et allait régler tous les problèmes. Les problèmes de discrimination sont terrifiants aux États-Unis. Et c'est pas parce que le président est noir que subitement la discrimination disparaît. Et d'ailleurs, ces histoires de policiers qui tuent comme des lapins des gens, et notamment des Afro-Américains, C'est un vieux phénomène qui s'est aggravé sous Obama. Donc, à la décharge d'Obama, on a attendu beaucoup plus de lui que de n'importe quel autre président. Mais il a aussi joué de ça. Il savait qu'il était beau, jeune, charismatique, afro-américain, et il avait une carte à jouer. Et comme il a beaucoup joué là-dessus, forcément, 8 ans plus tard, on se dit, ben, voilà, et il y a beaucoup de hauts responsables issus des communautés afro-américaines aujourd'hui qui ont décidé de ne plus soutenir ouvertement un certain nombre d'institutions issues de l'ère Obama pour montrer qu'ils estiment avoir été trahis. N'oubliez pas que quand Obama était en campagne en 2000, il avait été lui-même trouvé les principaux organismes qui représentent la cause noire aux États-Unis et tous ont dit c'est pas parce que tu es afro-américain qu'on va te soutenir, et d'autres ont dit de surcroît tu n'as pas le même cœur que nous, parce que nous, on est des Afro-Américains issus des esclaves, on a toute une histoire. Toi, tu es un étranger, mais tu es ce qui vient d'un père kényan, d'un père kényan. Donc, tu n'es pas un descendant des esclaves, tu n'es pas comme nous, tu es un Afro-Américain, ça, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et puis finalement, évidemment, ces communautés ont quand même compris que ce serait un peu risqué de ne pas voter pour Obama. Ils avaient, pour la première fois de leur carrière, de leur vie, un président afro-américain, il fallait saisir l'occasion, mais aujourd'hui, ils sont déçus dans ce domaine-là. Avec les chronologues, vous avez vu un autre sujet là. Oui. Pourquoi, par exemple, quand on parle, par exemple, de tout ce qui est lié avec les Mexicains, et tous les étudiants environnés, les entrées et les sorties des personnes qui découvrent, pourquoi est-ce que, par exemple, Obama qui aussi a aussi reporté aussi des États-Unis, maintenant que Donald Trump est en train de parler de ce même phénomène, c'est qualifié d'acte populiste, etc. Bah, là, ça rejoint ce que j'ai dit tantôt. Le mur venait d'apparaître, il a existé pendant 8 ans. Ça, au niveau des chiffres, j'en suis certain. Barack Obama a expulsé plus de migrants illégaux que Bush. Alors, mais il avait surtout un programme qui s'appelle, je pense, DAC, et qui protège très particulièrement certaines catégories de migrants illégaux, notamment les jeunes, les enfants, etc. Donc d'un côté, et ce programme-là, Trump est en train de remettre en question, mais voilà, ce n'est pas un mensonge de dire qu'il a plus expulsé que Bush. Mais par contre, il avait mis sur pied des programmes spécifiques pour certaines catégories de la population. C'est un peu ambigu. Et je pense qu'une partie de la presse américaine a du mal aujourd'hui, et c'est ce que Trump disait hier dans sa conférence de presse, elle a du mal aujourd'hui quand même à admettre que tout n'était pas si rose sous Obama. Et voilà, mais... Et là, en Europe, n'en parlons pas. Mais pour des raisons, ce serait un super mémoire de fin d'étude. Je voudrais bien que quelqu'un m'explique pourquoi en France, en Belgique francophone, les médias sont tout le temps en faveur des démocrates. Je n'ai jamais vu un journaliste, un journal qui essaie un petit peu de nous donner envie de comprendre et d'aimer des républicains. Très étrange. Ce n'est pas un phénomène anglo-saxon, anglophone, c'est francophone. Hein. C'est vraiment français et belge francophone. Et c'est systématique. Et c'est étrange parce qu'il y a... aux États-Unis, chez les conservateurs, plein de gens qui sont conservateurs, mais qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas qui sont simplement conservateurs, c'est tout. C'est pas synonyme. Lincoln est un républicain. Lincoln. Oui, mais ça change. Je crois que c'est dû au fait que, comme les démocrates sont plus sur la côte est que sur la côte ouest, ils ont plus. C'est quand même intéressant pour des journalistes de voir à quel point une communauté de journalistes est. Parce que ce qu'il faut quand même. Tout le monde a été surpris quand Trump a été élu. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? C'est qu'on a mal été informé pendant un an et demi. Si on est surpris, c'est qu'on a mal été informé. Hein? Ou qu'on ne voulait pas avoir, ou les deux. Comme il a été présenté pour moi, il était mal informé. Le sondage des écoles, c'était comme qu'il nous a changé. Oui, mademoiselle, avait une question. Vous avez une question? Oui. Je voulais juste dire que cette question, enfin, en Wallonie, c'est plutôt historiquement socialiste, gauche, Oui, pourtant Barack Obama est plus à droite que Charles Michel. C'est un libéral. Oui, il y a l'exportation du clivage de droite qui pose problème. Parce que chez nous, dès que quelqu'un est pour le port des armes, pour la peine de mort et contre l'avortement, on considère que c'est d'extrême droite. C'est pas le cas aux États-Unis. Une chose pour ce qu'on parlait tout à l'heure dans le descriptif c'est la xénophobie, c'est le rejet de l'étranger. Quelle place ça a dans cette construction? Je pense qu'elle apparaît lorsque le populisme se jette sur l'extrême droite. Mais moi, elle n'a pas tendance majoritairement à se jeter sur l'extrême droite. C'est ça qui est un peu confusant. Non, je pense que c'est plutôt une erreur de couverture politico-médiatique. Comme en République francophone et en France, le grand parti d'extrême droite connu, c'est le FN. On a souvent dit c'est du populisme de droite, du national-populisme ou du populisme d'extrême droite. On a fini par faire une identité entre les deux mots. Moi, personnellement, je considère que ce concept a droit à ses origines. Le People's Party, Hugh Lang, Jesse Jackson, Mélenchon, Hugo Chavez sont tous des gens populistes sans être des gens d'extrême droite et il faut déconnecter ces deux mots. Je ne fais pas identité entre les deux, mais quand le populisme, quand l'opposition peuple élite arrange l'extrême droite, notamment peuple ethnique contre élite de Paris, élite de Londres, élite de Washington, élite de Bruxelles, là on a de la xénophobie et du populisme, mais j'estime, en fait c'est une question d'efficacité de concept, mais je ne prétends pas avoir la vérité, j'ai mis des fois, mais je pense que si on veut s'y retrouver dans un fatras de situation nationale et régionale très complexe, je trouve que la matrice populiste qui se greffe est plus efficace que faire une identité trop forte entre populisme et extrême droite. Parce que du coup on se trouve un peu dépourvu pour aborder un certain nombre de mouvements du centre ou de gauche.